En un moment donc, la cousine Bette devint le Mohican dont les pièges sont inévitables, dont la dissimulation est impénétrable, dont la décision rapide est fondée sur la perfection inouïe des organes. Elle fut la haine et la vengeance, sans transaction, comme elles sont en Italie, en Espagne et en Orient. Ces deux sentiments, qui sont doublés de l'amitié, de l'amour, poussés jusqu'à l'absolu, ne sont connus que dans les pays baignés de soleil. Mais Lisbeth fut surtout fille de la Lorraine, c'est-à-dire résolue à tromper. Elle ne prit pas volontiers cette dernière partie de son rôle. Elle fit une singulière tentative due à son ignorance profonde. Elle imagina que la prison était ce que les enfants l'imaginent tous. Elle confondit la mise au secret avec l'emprisonnement. La mise au secret est le superlatif de l'emprisonnement, et ce superlatif est le privilège de la justice criminelle. En sortant de chez Madame Marneffe, Lisbeth courut chez Monsieur Rivet et le trouva dans son cabinet. « Eh bien, mon bon Monsieur Rivet, lui dit-elle après avoir mis le verrou à la porte du cabinet, vous aviez raison, les Polonais, c'est de la canaille, tous gens sans foi ni loi. « Des gens qui veulent mettre l'Europe en feu, » dit le pacifique Rivet, « ruiner tous les commerces et les commerçants pour une patrie qui, dit-on, est tout marée, pleine d'affreux juifs, sans compter les cosaques et les paysans, espèces de bêtes féroces classées à tort dans le genre humain. Ces Polonais méconnaissent le temps actuel. Nous ne sommes plus des barbares. La guerre s'en va, ma chère demoiselle. Elle s'en est allée avec les rois. Notre temps est le triomphe du commerce, de l'industrie et de la sagesse bourgeoise qui ont créé la Hollande. Oui, dit-il en s'animant, nous sommes dans une époque où les peuples doivent tout obtenir par le développement légal de leur liberté et par le jeu pacifique des institutions constitutionnelles. Voilà ce que les Polonais ignorent. Et j'espère... Vous dites, ma belle ? Ajouta-t-il en s'interrompant. En voyant à l'air de son ouvrière que la haute politique était hors de sa compréhension. « Voici le dossier, » répliqua Bette. « Si je ne veux pas perdre mes 3 210 francs, il faut mettre ce scélérat en prison.